L'enfant et le pauvre. Mère, faut-il donner quand le pauvre est bien laid? Qu'il ne fait pas sa barbe et qu'elle est tout au noir? Et qu'il ne dit pas s'il vous plaît? Faut-il donner? Mon fils, tu n'as pas de mémoire. Le pauvre qui demande est l'envoyé de Dieu. Qu'importe s'il a fait sa barbe et sa parure? Il est beau du malheur écrit sur sa figure. C'est là son passeport trop lisible en tout lieu. Mais s'il est malhonnête? Il ne l'est pas s'il pleure. Si son regard te dit « j'ai faim », veux-tu qu'il se prosterne en te tendant la main? C'est l'envoyé de Dieu qui nous guette à toute heure. Que ses lambeaux sacrés ne te fassent pas peur. Il vient sonder ton âme avec son infortune. Le mépris pour le pauvre est la seule laideur qui m'épouvante ou m'importune. Dieu sur toi lui donne un pouvoir, bien au-dessus de la parole. Le jour où l'enfant le console, par une colombe qui vole, Dieu le sait bien avant le soir. Lui qui dit aux heureux du monde, donnez pour qu'il vous soit remis, et plus votre voix est profonde, pour que partout on vous réponde, prenez les pauvres pour amis. Juge quand un enfant verse sa fraîche aumône à ce chercheur d'eau vive et qu'il lui dit bonjour, comme au Christ altéré sous son âpre couronne. Du ciel dont il a soif, tu lui rends le séjour. Oh, que ne puis-je dire à toute pauvre femme, prenez, comme d'instinct me crie à toute heure dans l'âme, donnez. Oh, que j'allégerais de ces errantes mères le sort. Si Dieu changeait mes pleurs et mes pitiés amères en or, aux petits enfants nus, chauffés de leur haleine, si peu, je ferais comme Dieu fait aux agneaux l'haleine, du feu. Mais je regarde en haut pour que l'aumône ne pleuve, souvent, pour que toute humble barque entre au port sous l'épreuve du vent, pour que l'abandonné lavant avec ses larmes son sort, les plonge dans la foi, qui rend belle et sans armes la mort. Je regarde la croix qui saigne et qui pardonne toujours, la croix qui crie encore pour mon sang donne, donne tes jours. Le Christ est beau, je l'aime et je joue au calvaire, où j'ai fait un jardin tout bleu de primevère. Mais les pauvres font peur, mère, si j'étais roi, mes pauvres aux enfants ne feraient point d'effroi. Ils n'auraient jamais faim de cette faim qui pleure, et ma colombe à Dieu l'irait dire à toute heure. L'hiver, il n'aurait point un âtre sans charbon, de longs jours sans manteau, de longs soirs sans lumière. Je leur ferai des lieux dans de tièdes chaumières, et des habits qui sentent bon. Cher petit perroquet, comme tu parles vide, leur roi c'est Dieu, la terre est leur froide maison. Dieu regarde d'en haut, si le plus fort avide ne prend pas au plus faible un grain de sa moisson. Un jour il pèse, il juge, autour de sa balance, les semeurs dépouillés se rangent en silence. Le pauvre a recouvré le grain qu'il a perdu, et le plus fort est confondu. N'ai-je pas lu cela dans tes leçons apprises? Oui, mais ne me gronde pas, j'ai donné tout mon pain, et la moitié de mes cerises. Viens donc que je te baise. Alors, sur le chemin, n'as-tu pas vu passer des ailes de colombe? Toi si peu, tu soutiens un homme qui succombe. J'ai dit bonjour. Tu fais ce que nous avons lu. Dieu dit, puisez l'aumône à votre superflu. Du superflu, ma mère, en ai-je? C'est possible. Au bord de l'indigence, on se sent riche, hélas. Le superflu, tu vois, c'est pour l'être sensible, tout ce que les pauvres n'ont pas.